بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi jami' al-mustami'in wal-mustami'at, hayyakum Allah. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé Les Trois Fondements. Livre écrit par l'éminent savant Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a. Et nous nous sommes arrêtés au troisième fondement. Lorsque l'auteur dit le troisième fondement, c'est connaître votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu de Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le couvre, lui et notre prophète, des meilleurs éloges et les saluts. La connaissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très importante, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission du message et se conformer à sa sunna est une obligation, et son amour fait partie de la foi. Il est donc impératif que le musulman connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éminent savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah, qu'Allah le préserve, dit à ce sujet: il ne convient pas que le musulman ne connaisse pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit par la suite: comment peux-tu suivre quelqu'un sans le connaître? Ceci n'est pas convenable. Donc il convient à tout musulman de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'étudier sa biographie, de connaître sa lignée, lorsqu'il est né, comment a-t-il vécu le début de la révélation Quand est-ce qu'il est mort? Et donc, comme vous le savez, son prénom c'est Mohammed. Et son père s'appelle Abdullah. Tandis que sa mère s'appelle Amina. Et son père Abdullah est mort lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère Amina. Et Amina est morte avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait 6 ans environ. Ensuite, c'est son grand-père qui s'est occupé de lui. Et lorsque son grand-père est décédé, c'est son oncle qui s'est chargé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit il vécut 63 ans, dont 40 avant de devenir prophète, et 23 ans en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset Li. Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Muddathir, sa ville natale est la Mecque, et il émigra vers Médine. Là, ici, Afwan l'auteur, Rahimahullah Rahmatan Wasi'a, il nous mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la prophétie lorsqu'il a reçu la révélation du verset Iqra, donc les quelques versets de sourate l'Adhérence. Il a atteint le statut de messager lorsqu'il a reçu la révélation de la sourate Al-Muddathir. Et cette information nous amène à un sujet. Et ce sujet est quelle est la différence entre un prophète et un messager? Quelle est la différence entre le prophète, donc An-Nabi, et le messager, Ar-Rasoul? La réponse à cette question est que les savants ont divergé en plusieurs avis. L'avis de la majorité des savants, et cet avis-là nous le retrouvons dans la majorité des livres de Tawhid, et cet avis est que le prophète est celui qui a reçu la révélation, mais on ne lui a pas ordonné de la transmettre. On lui a, donc il a eu une révélation, mais on ne lui a pas ordonné de la transmettre. Alors que le messager est celui qui a reçu la révélation et qui a reçu l'ordre de transmettre cette révélation. Donc cet avis-là, c'est l'avis de la majorité des savants. Dans la plupart des livres de Tawhid, nous trouvons cette différence. Les savants, ils mentionnent que le prophète, c'est celui qui a reçu la révélation, mais on ne lui a pas ordonné de la transmettre. Tandis que le messager, c'est celui qui a reçu la révélation et qui a reçu l'ordre de la transmettre. Mais certains savants ne sont pas d'accord avec cette différence. Tels que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et aussi, Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a. Car selon eux, cette différence pose un problème. Et ce problème-là, c'est que le messager et le prophète, ils sont égaux en termes de transmission. C'est-à-dire qu'il est obligatoire au messager et au prophète de transmettre. Ceci est une obligation. La transmission de la religion est une obligation, que ce soit pour le messager ou que ce soit pour le prophète. Et ils se basent sur un hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: il n'y a pas eu de prophète avant moi sans qu'il n'ait eu le devoir de guider sa communauté vers ce qu'il sait meilleur pour elle et de l'avertir contre ce qu'il sait mauvais pour elle. Et donc, ils ont mentionné que ce hadith montre clairement que le prophète aussi a l'obligation de transmettre la religion et il est obligatoire pour lui de transmettre ce qu'il sait et ce qu'il connaît. C'est pour cela qu'ils ont mentionné que l'avis de la majorité pose problème. Et donc, selon certains savants, le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple mécréant et qui, en règle générale, est venu avec une nouvelle législation. Donc certains savants, qui ne sont pas forcément d'accord avec l'avis de la majorité concernant la différence entre le prophète et le messager, ils ont mentionné que le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple mécréant, qui n'est pas d'accord avec son appel, et qui est venu en règle générale, qui vient en règle générale avec une nouvelle législation. Donc ça, c'est concernant le messager. Et en ce qui concerne le prophète, donc il dit c'est celui qui a été envoyé à un peuple. Mais avant lui, il y a eu déjà d'autres prophètes. Et lui ne fait que mettre en application la législation du prophète précédent, en règle générale. Donc certains savants, ils ont mentionné cette différence-là. Mais en vérité, la plupart des différences qui ont été mentionnées, on trouve des fois certaines choses qui méritent plus de recherche. Mais l'avis de la majorité, on l'a déjà mentionné. La différence entre le prophète et le messager. Mais certains ne sont pas de cet avis, comme Cheikh Al-Albani, rahmahullah, et Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmahullah, rahmatan wasi'a. Naam. Ensuite, l'auteur, il dit: Allah l'a envoyé pour prévenir du polythéisme et appeler aux monothéistes. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anvir, wa rabbaka fa'kabbir, وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah: ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Ensuite l'auteur il dit le sens du verset: lève-toi et avertis, c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Celui de et de ton Seigneur célèbre la grandeur, c'est célébrer sa grandeur par son unicité. Quant à et tes vêtements purifie-les, cela signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme. Et de tout péché écarte-toi, le péché désigne ici les statues. Ensuite il dit s'écarter d'elle, c'est les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes. Par la suite, l'auteur, il dit, il prêcha ainsi le monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, il fut élevé au ciel. Et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Donc l'auteur, il nous dit que pendant 10 ans, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au tawhid. Et après la 10e année, il fut élevé au ciel. Et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à appeler au tawhid. Il ne faut pas comprendre de la parole de l'auteur que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après ses 10 ans, il a arrêté d'appeler au tawhid. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé au tawhid toute sa vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé au tawhid toute sa vie. Et donc, lorsqu'il dit, il fut élevé au ciel. Et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Ici, l'auteur, il parle d'El Isra et El Mi'raj, le voyage et l'ascension nocturne. Et ici, nous allons nous arrêter un moment pour parler du voyage et de l'ascension nocturne. Le premier point, c'est la croyance des gens de la Sunna concernant ce sujet. Et la croyance des gens de la Sunna concernant le voyage nocturne et l'ascension, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectué avec son âme et son corps, en étant éveillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué le voyage et l'ascension nocturne avec son âme et son corps en étant éveillé. Et les preuves à cela sont nombreuses. Parmi elles, nous avons le premier verset de Sourate al-Isra, le voyage nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir » Allah, il dit selon la traduction, gloire et pureté à celui qui fit voyager de la nuit de son serviteur, de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée, Al-Quds, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Allah entend et voit tout. Au début de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le mot subhan, donc gloire et pureté. Et les savants nous mentionnent que ce terme, subhan ou subhanallah, il est utilisé pour quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce terme-là, il est utilisé pour quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, le fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a énoncé l'ascension nocturne et le voyage nocturne, il a utilisé le terme subhan, ça montre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et comment il l'a fait, ça sort de l'ordinaire. Et donc, ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rêvé, n'a pas fait cette chose-là en rêve. Car le fait de rêver, par exemple, de voler ou d'avoir vu telle et telle créature, ceci n'est pas une chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, ils ont tiré de ce terme qui a été utilisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et cette chose-là, c'est le fait qu'il a été élevé avec son corps, son âme, tout en étant éveillé. Aussi, les savants se basent sur un autre terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, et c'est lorsqu'il dit « Subhanalladhi asra bi'abdihi » Gloire et pureté à celui qui fit voyager son serviteur. En l'espace d'une fraction de la nuit, son serviteur. Ici, c'est le terme serviteur qui a été mentionné. Et le terme serviteur, les savants ont mentionné que tu ne peux pas l'utiliser que lorsque tu parles de l'âme d'une personne et de son corps. Mais si tu parles que de son âme, alors tu ne diras pas serviteur. Tu diras par exemple ruh, tu diras par exemple le mot âme, mais tu ne peux pas parler de, tu ne peux pas dire le mot serviteur lorsque tu vises par ta parole, l'âme d'une personne seulement. Et ça montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le voyage et l'ascension nocturne avec son âme et son corps. Et il était éveillé. Et il était éveillé. Car le mot Subhan montre une chose qui sort de l'ordinaire. Aussi, les savants, ils se sont basés sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir effectué le voyage et l'ascension nocturne, il a informé son peuple. Il a informé son peuple. Et son peuple a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les koufars de Quraysh, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants mentionnent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait juste rêvé de cette chose, les koufars de Quraysh ne l'auraient pas démenti. Car le fait de rêver de ce genre de choses est une chose possible pour tout le monde. Et donc ces trois points nous montrent clairement la véracité de la croyance des gens de la Sunna. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage et l'ascension nocturne avec son âme, son corps, en étant éveillé. En étant éveillé. Donc ça, c'est la croyance des gens de la Sunna. Et en ce qui concerne certains groupes qui ont contredit les gens de la Sunna concernant le voyage et l'ascension nocturne, certains ont démenti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, le voyage et l'ascension nocturne. Car ces gens-là, ils ont fait prédevancer leur raison au texte. Ils ont fait prédevancer leur raison au texte. Ils ont dit c'est impossible. C'est impossible qu'en une nuit, une personne puisse voyager d'Arabie Saoudite jusqu'en Palestine, au Quds. C'est certes impossible. Et qu'il soit élevé et qu'il passe le salam au prophète et que les prophètes lui passent le salam, etc., etc. Ils ont dit, c'est une chose qui n'est pas, qui est impossible. Et donc, ils ont renié l'ascension et le voyage nocturne. Certains parmi les groupes déviants ont mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage et l'ascension nocturne en rêve. Et donc, on a déjà mentionner les preuves qui montrent le contraire. Tandis que d'autres ont mentionné que l'ascension et le voyage nocturne s'est produit plusieurs fois. S'est produit plusieurs fois et certains sont même allés jusqu'à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne et l'ascension nocturne 60 fois. Et ceci, comme vous le savez, est faux. Car les gens de la Sunna mentionnent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage et l'ascension nocturne une seule fois. Ceci s'est passé une seule fois. Donc voici la croyance des gens de la Sunna concernant le voyage et l'ascension nocturne. Naam. Ensuite, l'auteur il dit, il pria alors à la Mecque durant 3 ans. Puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. La hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'avènement de l'heure. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah. « Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim » قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant Dans quelle situation étiez-vous? Nous étions impuissants sur terre, diront-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen, à cela il se peut qu'Allah pardonne. Et Allah est clément et pardonneur. Donc ici l'auteur, il mentionne un sujet qui est très important. Surtout pour le musulman vivant en terre de mécréance. Et ce sujet, ikhwani fillah, c'est le sujet de la hijra. Et tout d'abord, nous allons définir la hijra d'un point de vue linguistique. Et donc la hijra vient du mot hajr, qui signifie délaisser. C'est-à-dire le fait que la personne délaisse quelque chose. Et ce délaissement est de trois types. Le délaissement avec le corps, le délaissement avec la langue et le délaissement avec le cœur. Par exemple, nous avons dans le verset 34 de Sourate An-Nisa le délaissement avec le corps. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Wahjuruhunna fil madajia » et délaisser leur couche. Donc ici, c'est un délaissement avec le corps. Et nous avons dans le verset 30 de Surat al-Furqan, Surat le discernement, le délaissement avec le cœur et la langue. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا » Le messager dit « Seigneur, mon peuple a vraiment délaisser le Coran. » Donc ça, ikhwani fillah, c'est la définition de la hijra d'un point de vue linguistique. Et d'un point de vue de la législation, les savants ont mentionné, ou certains savants ont mentionné, que la hijra dans la législation consiste à délaisser une terre de mécréance. Elle consiste à délaisser une terre de mécréance vers une terre d'islam par peur des troubles et pour accomplir la religion. Et donc la hijra, c'est le fait de délaisser une terre de mécréance. Une terre de mécréance telle que la Belgique, l'Allemagne ou la France vers une terre d'islam. Tels que l'Algérie, la Mauritanie, l'Égypte, le Sénégal ou autres, parmi les pays musulmans. Et donc, la personne délaisse cette terre par peur des troubles. Car comme vous le savez, en terre de mécréance, les troubles sont nombreux. Et en y restant, le musulman s'y expose et peut finir par y tomber. Et en délaissant cette terre de mécréance, il mettra sa religion en sécurité. Et donc, ça c'est la définition de la hijra, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue de la législation. Ensuite, il convient de mentionner le jugement de la hijra. Le jugement de la hijra. Et le jugement de la hijra, il est de deux types. Le premier, c'est lorsque la hijra, elle est obligatoire. C'est une obligation pour le musulman de faire la hijra. Et le deuxième cas, c'est lorsque la hijra, elle est recommandée. Et la question qu'on peut se poser, et quand est-ce que la hijra est obligatoire et quand est-ce qu'elle est recommandée? Et en vérité, la hijra est obligatoire lorsque le musulman vivant en terre de mécréance ne peut pas y extérioriser sa religion. Donc si un musulman vit en France, en Suisse ou en Allemagne par exemple, et il ne peut pas extérioriser sa religion, alors la hijra est obligatoire pour ce musulman. Par contre, si il peut extérioriser sa religion, alors la hijra sera pour lui recommandée. Si il vit par exemple en Allemagne ou en Suisse ou dans un pays d'Afrique par exemple qui n'est pas musulman, mais il peut extérioriser sa religion, alors la hijra sera recommandée, mais elle ne sera pas obligatoire. C'est-à-dire que si la personne accomplit la hijra, elle sera récompensée. Elle sera récompensée. Et elle aura la récompense du muhajir, celui qui a fait la hijra. Mais si il vient à délaisser la hijra, il ne sera pas châtié pour cela. Il ne sera pas châtié pour cela. Donc ici, on remarque que le jugement de la hijra dépend de l'extériorisation de la religion de la personne en terre de mécréance. Et donc il est important ici de savoir qu'est-ce qui est voulu par extérioriser sa religion en terre de mécréance. Est-ce qu'une personne qui prie ses 5 prières à la mosquée pour un homme et qui donne sa zakat et qui jeûne le mois de Ramadan et qui a déjà fait le hajj, est-ce qu'on peut appeler cela extérioriser sa religion ou bien est-ce que cela englobe plus de choses? Et nous avons plusieurs savants qui ont traité ce sujet. Parmi ces savants, nous avons l'éminent savant Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Il nous explique ce qui est voulu par le terme extérioriser sa religion. Il dit, hafidhahullah, extérioriser sa religion ne consiste pas à ce qu'il te laisse prier et adorer Allah, mais cela consiste à proclamer que l'islam est la religion de vérité et que toutes les autres religions sont caduques et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toutes les créatures le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que toutes les législations ont été abrogées par la législation islamique. Il dit ensuite, et que la personne appelle à l'islam. Ceci est l'extériorisation de la religion. Il finit sa parole en disant, et en ce qui concerne le fait qu'il te laisse jeûner et prier, ceci ne rentre pas dans l'extériorisation de la religion. Fin de citation. Donc ici, cher Salih Al-Fawzan, il nous explique très clairement que le simple fait de jeûner, de prier, de donner la zakat, ceci n'est pas extérioriser sa religion, mais c'est plutôt appeler à l'islam, appeler les gens à l'islam et proclamer ton désaveu envers les mécréants et leur mentionner que leur religion est caduque et que la vraie religion, c'est l'islam et que tout le monde doit rentrer dans l'islam et que l'islam a abrogé l'ensemble des législations. Et donc si une personne appelle à l'islam, elle appelle à l'islam et elle proclame son désaveu envers les mécréants et d'autres choses, cette personne-là extériorise sa religion en terre de mécréance. Et donc, il lui est recommandé, d'accord, de faire la hijra, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, si ce n'est pas le cas, la hijra est obligatoire. Et lorsque nous regardons l'état de la plupart des musulmans en France, on voit très clairement qu'ils ne se comportent pas de la sorte lorsqu'ils vivent en terre de mécréance. La plupart d'entre nous, lorsqu'on vit en France, qu'est-ce qu'on fait? On va au travail, on va à la mosquée, on vit notre quotidien, on est dans notre quotidien. Et lorsqu'on voit, par exemple, des choses qui sont blâmables, d'accord? On voit, par exemple, du shirk, on voit de la mécréance, etc. On ne fait pas forcément attention. Et on ne se désavoue pas forcément de ces choses-là. Car la mécréance et aussi le polythéisme, ce sont des choses normales lorsqu'on vit en terre de mécréance. Et donc, on n'extériorise pas notre religion. Et donc, si c'est le cas, et c'est certes le cas, il nous est obligatoire de faire la hijra. Il nous est obligatoire de faire la hijra. Car le simple fait que Zayd, alhamdoulillah, il prie les cinq prières à la mosquée, Allahumma barik, il jeûne le lundi et le jeudi, et il jeûne le mois de Ramadan, et sa zakat, il la sort le 10e jour de chaque Ramadan, et alhamdoulillah, tous les ans, il va en Arabie Saoudite faire la Umrah, ou même faire le Hajj. Ceci ne suffit pas. Lorsqu'on parle d'extérioriser sa religion, ceci ne suffit pas. Et donc, la hijra est une obligation. La hijra est donc une obligation. Et l'auteur, après avoir mentionné la hijra et l'obligation de la hijra, il a mentionné une preuve montrant cette obligation. Et cette preuve, c'est le verset 97 à 99 de sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Inna alladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. La question qu'on se pose ici est la suivante. En quoi ces gens se sont fait du tort? La réponse à cela, comme l'ont mentionné les savants du tafsir, c'est que ces gens ont délaissé la hijra. Ces personnes ont délaissé la hijra. Et ils se sont donc fait du tort à eux-mêmes. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Car celui qui est capable d'accomplir la hijra et qu'il la délaisse, il s'est fait du tort à lui-même, ainsi qu'à sa famille. Il a privilégié la vie présente à l'au-delà. Il a mis en danger sa religion ainsi que celle de sa famille au lieu de mettre sa religion en sécurité. Et donc, celui qui délaisse la hijra alors qu'il en a la capacité, il s'est fait du tort à lui-même. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour te rappeler cela, il te dit: Inna alladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant: Qalu fi ma kuntum. Dans quelle situation étiez-vous? Donc ici, les anges questionnent ces gens qui ont délaissé la hijra et qui se sont fait du tort à eux-mêmes. Dans quelle situation étiez-vous? Et ils répondent: Qalu kunna mustad'afina fil ard. Nous étions impuissants sur terre. Donc voici leur réponse. Les anges les questionnent et ils répondent qu'ils étaient impuissants, c'est-à-dire qu'ils étaient contraints, opprimés et incapables de faire la hijra. Et donc ils ont répondu à la question des anges par une excuse. Mais malheureusement pour eux, ils ne sont pas véridiques dans leurs prétentions, comme l'ont mentionné les savants du tafsir, et notamment Cheikh Abdurrahman Ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et quelqu'un ici pourrait me dire: quelle est la preuve qu'ils ne sont pas véridiques dans la réponse. La réponse à cette question, c'est qu'il y a plusieurs preuves montrant qu'ils ne sont pas véridiques. La première de ces preuves, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a excusé ceux qui sont réellement impuissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas excusés dans Surat al-Ma'ida ou dans Surat al-An'am. Il les a excusés dans le verset qui suit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildan. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Fa'ula'ika asallahu an ya'fua anhum wa kana allahu afuwan ghafura. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « À l'exception des faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen, à cela, il se peut qu'Allah pardonne, et Allah est clément et pardonneur. » Et donc, si ces gens-là étaient vraiment impuissants, comme ils l'ont prétendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il les aurait excusés pour avoir délaissé la hijra. La deuxième preuve, s'ils étaient vraiment impuissants, Allah ne les aurait pas blâmés. Et dans ce verset, nous voyons clairement qu'Allah les blâme pour avoir délaissé la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala les blâme pour avoir délaissé la hijra. C'est pour ça qu'après que ces personnes ont prétexté être impuissants, les anges diront « قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا فَتُهَاجِرُوا فِيهَا » La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Les anges ne sont pas d'accord avec cette parole. Et ceci montre qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala blâme ces gens-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas blâmer quelqu'un qui est excusé. Car cette personne-là, elle est excusée. Et ces deux arguments ou ces deux preuves nous montre clairement que ces personnes ne sont pas véridiques. Et ici, on tire un enseignement crucial. Et cet enseignement, c'est que dans cette dunya, tu peux prétendre tout ce que tu veux. Aujourd'hui, même si tu as la capacité de faire la hijra, tu peux dire aux gens, moi je suis faible, moi je ne peux pas. Moi, j'ai une excuse alors que tu n'en as pas. Et les gens vont te croire. Mais par contre, lorsque tu vas arriver Yawm al-Qiyamah, tu ne pourras plus mentir ou tu ne pourras plus prétexter certaines choses. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont mentionné cette parole, ils n'étaient pas véridiques. Et les anges ne les ont pas cru. Et ils ont montré qu'il n'était pas d'accord avec cette parole. C'est pour ça que la personne qui a la capacité de faire la hijra, qu'il ne se ment pas à lui-même, en disant aux gens, je ne peux pas, je suis faible. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu ne pourras pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Sois donc véridique. Sois donc véridique, et si tu as la capacité de faire la hijra, alors émigre. Car ceci est une obligation pour toi. Et donc, à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Voilà bien ce dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il menace ceux qui ont délaissé la hijra, alors qu'ils avaient la capacité de faire la hijra. Et il les menace par l'enfer. Et ceci nous montre l'obligation de la hijra. Car si elle aurait été recommandé, Allah ne les aurait jamais menacés de la sorte. Et ceci est une preuve que la hijra est obligatoire. Et toute personne pour qui la hijra est obligatoire et qui la délaisse, il a certes commis un grand péché. Il a certes commis un grand péché. Ensuite, l'auteur, il dit, Allah dit aussi, Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'a fa iyyaya fa'budun. Allah dit aussi, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Ici, l'auteur, il a mentionné le verset 56 de Sourate Al-Ankabut, Sourate l'araignée. Et l'auteur, il a mentionné ce verset-là dans un but bien précis. L'auteur, il a mentionné ce verset pour montrer qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la hijra. Car à l'époque du cheikh, rahimahullah rahmatan wasi'a, on l'a accusé de rendre mécréant toute personne qui a délaissé la hijra. Et donc l'auteur, pour montrer qu'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la hijra, il a mentionné le verset de sourate Al-Ankabut où Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Et ensuite, il a mentionné la parole de l'imam al-Baraoui lorsqu'il dit, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer, Allah les a tout de même considérés croyants. Et par cela, le cheikh, il veut montrer à ses détracteurs qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la hijra. Mais comme nous l'avons mentionné, celui qui délaisse la hijra, alors qu'il a la capacité de faire la hijra et que la hijra est obligatoire pour lui, il a certes commis un grand péché. Il a certes commis un grand péché, mais il n'est pas mécréant. Il n'est pas mécréant. Non. Ensuite, l'auteur, il dit la preuve tirée de la sunna concernant la hijra et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. Donc là, l'auteur, il nous mentionne les preuves de la hijra tirées de la sunna. Tirées de la sunna. Et pour finir, concernant la hijra, nous allons mentionner le jugement de voyager en terre de mécréance. Quel est le jugement de se rendre en terre de mécréance? Le jugement de se rendre en terre de mécréance est que ceci est interdit. Ceci est interdit et ceci est la base. La base, c'est l'interdiction. Mais ceci est permis à certaines conditions. Et les savants ont mentionné trois conditions. La première de ces conditions, c'est que la personne se rende en terre de mécréance pour une nécessité, pour une grande nécessité. Et ceci est la première condition. Imaginons qu'une personne habitant en Arabie Saoudite veut apprendre une science qui va être profitable pour les musulmans. Mais il ne trouve pas cette science en Arabie Saoudite et dans les pays voisins. Et cette science-là, par exemple, elle ne se trouve que en terre de mécréance. Ici, c'est une nécessité. Ou bien, une personne étant malade d'une maladie qui est rare, elle ne trouve pas de traitement dans son pays, mais elle va trouver ce traitement-là en terre de mécréance. Même dans les pays voisins, ce traitement n'existe pas. Ou il n'est pas présent dans ce pays. Et donc, il est présent en terre de mécréance. Donc ici, c'est une grande nécessité. Et c'est donc la première condition pour se rendre en terre de mécréance. La deuxième condition, et que la personne qui se rend en terre de mécréance doit détenir une science qui va l'empêcher de tomber dans les ambiguïtés. Il a une science, il détient une science qui l'empêche de tomber dans les ambiguïtés. Car comme vous le savez, en terre de mécréance, il y a beaucoup d'ambiguïtés. Et donc la personne doit détenir une science qui lui permet de ne pas tomber dans ces nombreuses ambiguïtés. Et la troisième condition, c'est que celui qui se rend en terre de mécréance a une bonne pratique religieuse qui lui permet de ne pas tomber dans les passions. Car il y a beaucoup de passions en terre de mécréance. Et donc, il faut qu'il y ait un besoin, une nécessité à voyager dans ce pays de mécréance, qu'il y ait une science qui lui permet de ne pas tomber dans les ambiguïtés et une bonne pratique religieuse qui l'empêche de tomber dans les passions. Et si ces trois conditions sont réunies, alors il est autorisé pour la personne de voyager en terre de mécréance. Sinon, ceci n'est pas permis à la personne de se rendre en terre de mécréance. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.